50 languages. 11 11 الأشهر Les mois Les mois كانون الثاني Janvier Janvier شباط Février Février آذار Mars Mars نيسان Avril Avril أيار Mai Mai حزيران Juin Juin هذه ستة أشهر. Ce sont six mois. Ce sont six mois. كانون الثاني شباط آذار Janvier Février Mars Janvier Février Mars نيسان أيار حزيران Avril, mai et juin. Avril, mai et juin. Tammuz. Juillet. Juillet. Ab. Août. Août. Ayloul. Septembre. Septembre. Tishrin al-awwal. Octobre. Octobre. Tishrin al-thani. Novembre. Novembre. Kanun al-awwal. Décembre. Décembre. Wahadhihi aydan sittatu ashhur. Ce sont aussi six mois. Ce sont aussi six mois. Tammuz, Ab, Ayloul. Juillet, août, septembre. Juillet, août, septembre. Tishrin al-awwal, Tishrin al-thani, Kanun al-awwal. Octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, décembre.